Parce que le plus beau des voyages est certainement celui de la vie. Il est triste de le finir seul. Cette chanson s'appelle La grand-mère. Une grand-mère caresse son chat sur son vieux rocking chair bancal. Elle regarde vers l'extérieur, cette vue qu'elle connaît par cœur. Elle se dit, vont-ils venir? J'ai préparé des pommes au four. J'aimerais tant voir leur sourire et ressentir tout leur amour. Histoire de faire vivre un peu cet homme, lui qui est parti avant elle, si beau et fier dans son album, lui qui ne croyait même pas au ciel. La grand-mère guette la voiture, sursaute à chaque bruit de moteur. Sa folle antenne, une immature, tandis que se passent les heures, le bruit de la télévision déblatérant toutes ces conneries, rythme l'absence de conversation, comble le manque de compagnie. Il fait pas chaud en cette saison. Elle a pas envie de sortir. Elle est bien dans sa maison, mais elle cracherait pas sur des amis, sur sa famille, sur ses enfants et leurs petits qui braillent tout le temps. Elle aimerait tant pouvoir se plaindre, mais surtout qu'on l'écoute, parce qu'elle en a des choses à dire. Toute une vie à raconter, parce qu'elle voudrait se souvenir, puisqu'elle n'a plus que son passé. Elle veut embrasser son avenir, ceux qui seront avant de partir, que la vie, malgré tout, c'est bien, c'est bien. Et ce serait bien qu'elle apparaisse. cette foutue voiture qui n'arrive pas. S'il savait ce qu'est la vieillesse, ils seraient tous déjà là. S'ils savaient ce qu'est la vieillesse, s'ils savaient tout ça, merci. Merci.